Et bonjour à toutes, c'est Fred, on est samedi et c'est l'heure de votre rendez-vous Disco Funk. La découverte du jour va être consacrée au groupe Heatwave et à son titre Dreaming You. Alors Heatwave, c'est un groupe musical de funk et de disco, bien sûr, créé à Londres et qui fut en activité de 1975 à 1984. Alors leurs principaux succès sont Boogie Night, Always and Forever et The Groove Line, qu'on a déjà entendu il me semble. Alors, l'histoire du groupe, elle débute en Allemagne au milieu des années 70 avec les frères Case et Johnny Wilder. Alors, ces derniers, ils effectuent leur service militaire en Allemagne, un peu comme moi. Alors, une fois leurs obligations finies, ils décident d'y rester et commencent à jouer dans quelques groupes. Par la suite, ils vont repartir pour l'Angleterre où ils rencontreront Rod Temperton, auteur, compositeur et producteur talentueux, à qui l'on devra notamment le titre Thriller pour Michael Jackson. L'histoire est en marche et on passe à l'écoute. Girl, you and I were made for love. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors on va enchaîner avec notre rubrique les 100 hits. Aujourd'hui, Cool and the Gang et son Ladies Night. Malgré le succès de Open Sesame et la sortie des albums The Force et Everybody's Dancing, sur lesquels il se rapproche d'une esthétique disco, Cool and the Gang peine à toucher un large public. Le patron de leur label leur fait comprendre qu'il leur manque un chanteur charismatique. Alors il lance alors une audition et James Taylor se présente. Il va séduire tout le monde et est engagé sur le champ. C'est un jazzman reconverti dans le funk, Cool and the Gang n'a pas une approche pop. C'est là que l'arrangeur et producteur Deodato y va rentrer en scène. Il leur apprend à recentrer leur musique sur la voix claire et sensuelle de JT, un peu comme la mienne. Le virage musical et commercial est lancé. Cool Bell, le bassiste, fréquente les clubs de New York pour observer les goûts des danseurs. Alors il va remarquer la multiplication des Ladies Night. C'est des soirées où les femmes payent moins cher leur verre et il va suggérer au groupe l'idée d'en faire un morceau. Ladies Night va puiser son essence dans le funk, mais il va aussi utiliser subtilement les codes du disco qui vont lui permettre de devenir un grand classique. Et lorsque le boogie funk remplace le disco sur les pistes de danse, en 1980, Cool and the Gang enchaîne une longue série de hits planétaires jusqu'au départ de JT en 1988. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est parti! Ha ha. Alors pour la face B, on va faire un petit tour chez nos amis de Bonnem. Brown Girl in the Ring est la face B de River of Babylon. À l'origine, c'est une chanson qui vient de la Jamaïque s'adressant à des enfants. Ça va être Bonnem qui fera connaître la chanson et lui donnera son heure de gloire. Faites-vous votre idée. Alors, le maxi en cours illustre parfaitement le mois en cours. Alors, c'est plutôt le maxi à venir illustre parfaitement le mois en cours. Alors, le groupe Earth, Wind and Fire et son titre September. On peut pas faire mieux, non? Alors, c'est sorti en 1978 et comme souvent, les sept chansons, comme beaucoup des chansons du groupe, va atteindre la première place des hits. Alors, pour l'anecdote, la chanson a été reprise par Christophe Willem sur la bande originale du film Disco. Le titre est une des chansons phares du groupe et va s'écouler à 1 million de copies. C'est maintenant. Thank you. Alors, pour la pépite, un petit air de Sade me tente bien. Vous connaissez Cherry Pie ? Extrait de son premier album paru en 1984, le morceau n'a pas eu la chance de sortir en single. L'album, lui, sera classé parmi les 200 meilleurs de tous les temps. Comme toujours avec cet artiste, le morceau est très feutré avec sa voix si entraînante. L'album sera d'ailleurs récompensé par un Brit Award en 1985. On ne pouvait pas mieux terminer cette émission qu'avec ce titre. Thank you. sommes au terme de notre rendez-vous. Je vous dis bonne semaine, bonne soirée et à samedi prochain pour de nouvelles aventures. Même heure, même endroit. Bye bye.